Bonjour, monsieur l'employé des PTT. Je voudrais un timbre, s'il vous plaît, à 0 francs 25. Vous le voulez en un seul bloc ou en plusieurs morceaux? Plaît-il? Je demande des fois que votre correspondant il fasse collection de timbres. Et puis que ça lui fasse plaisir au lieu d'avoir, je sais pas moi, un seul timbre. Il pourra en avoir plusieurs. Ça leur fait plaisir les collectionneurs. Surtout qu'en ce moment, il y en a des nouveaux. Vous pourriez avoir, alors, au lieu d'avoir un seul timbre à 0,25, vous pourriez avoir un timbre d'abord à 10 centimes, vert pomme, et plus un autre timbre à 5 centimes, n'est-ce pas, rose bonbon. Ensuite, un autre timbre à 5 centimes, violet pistache. Alors ça fait 20 centimes, plus alors à ce moment-là, deux timbres à 2 centimes, qui sont orange mauve. Et un timbre à 1 centime, ça fait 0 francs. Ou alors carrément à ce moment-là. Vous pourriez. Écoutez, monsieur, vous êtes charmant. Moi, je veux un timbre, c'est pour mettre sur une enveloppe. Pourvu qu'elle parte, qu'elle soit expédiée, le reste, je m'en fous. Moi, c'est pour inviter mon beau-frère à déjeuner dimanche prochain. Alors, je me fiche complètement que ce soit en bloc ou en plusieurs morceaux de timbre. Vous voyez. Si vous vous en fichez, là, ça change tout, forcément. Si le client s'en fout, pensez-moi l'employé. Alors. Si je m'en balance. Bon, alors parlons un peu, mais parlons bien. Est-ce que vous faites partie des conchettes postaux, monsieur? Non, je vous dis que je vais à table à 0,25. Moi. C'est dommage, vous n'en faites pas partie. Il y a rien de plus avantageux. Oh, que c'est pratique. Même si vous avez peu d'argent, vous le mettez au conchette postal, vous retirez ce que vous avez besoin, vous n'avez pas besoin de comptable, c'est épat... Oui, mais alors... moi, tout à l'heure, je vais m'énerver, je vais sauter le grillage, je vais vous foutre une tarte, moi, ça fait du tout. Je suis pas venu ici pour faire l'ando, il m'a joué un timbre à 0,25, je vous dis, non? Non, mais j'entends bien. Est-ce que vous avez le téléphone automatique chez vous? Non, et je m'en fous, et contre-fous. Vous foutez de tout, voilà. C'est bien ça, les clients, allez les satisfaire. Alors nous, au PTT, on a des ingénieurs qui travaillent la nuit et le jour pour améliorer le service téléphonique et où on peut téléphoner directement à Londres, directement à Amsterdam, à Berne, directement à Madrid. Et vous, vous en foutez? Oui, je m'en fous! Je vais être là-bas. Vous allez me leur filer ce timbre, dites. Hein? Avant que je tue quelqu'un, vous allez me le donner? J'ai l'impression que vous ne voulez pas placer de l'argent 6% au PTT. Hein? Où est le chef du bureau de poste ici? Où est le chef du bureau de poste? C'est où que je prenne une crise et que je mette tout le monde d'accord? Où il est le chef? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 20 minutes que je suis ici. Je viens ici, des bonnes heures, tranquille, pour avoir un tabac sur 25. Il y a votre employé qui me demande si je le veux pas en bloc ou en plusieurs morceaux. Comme si c'était du foie gras. Si je veux pas faire partie des conchettes postaux, si je veux pas le téléphone automatique, si je veux pas placer de l'argent à 6%, qu'est-ce qu'il vous prend, vous, d'embêter ce client, hein? Je le fais exprès, chef. Vous le faites exprès? Et pourquoi? Parce que ce client, c'est mon garçon coiffeur. Et toutes les fois que je vais chez lui, il me dit « Vous voulez pas une friction? Vous voulez pas un shampoing ?»